naked shorty. Parce que j'écris tous les jours, et je crie straight out of time and stop production. Parce que j'écris tous les jours, et je crie au secours. Vas-y, fais péter le son, je viens faire péter le poste. J'écris cette chanson avec une pensée pour mes potes. J't'assure que le ton est juste si je rame dans les temps. J'en place une pour ma ville et mon 4-9 département. Regardez vos pleurs, moi j'viens poser ma théorie. Je viens poser ma rime d'Angers et tout Paris. Évident que certains se copient, à citer leurs mythos, c'est leur vie qu'ils falsifient. Clic, bam, quand viendra le magnifique de celui qui pètera d'ici jusqu'en Amérique. De toutes les couleurs seront teintées les mains de foule. Moi je serai parmi eux tel un enfant qui se défoule. Je viendrai parler de la rage que fut mon style, de cette putain d'enfance, de mon parcours difficile. Des jeunes ou des anciens qui s'accrochent et qui dévident, de ma ville et mes potes, de ce pays où parce j'habite. Parce que j'écris straight out of diamond star production. Tous les jours, tous les je crie au secours. Parce que j'écris tous les jours, tous les je crie au secours. Bienvenue dans ce monde qui n'approuve aucune pitié, qui n'a pas de sentiments et qui sent leur enfermer, où certains se prostituent pour faire monter leur art, où les murs ont des oreilles mais aussi nous séparent. Certains se clashent, rude et la concurrence, et beaucoup de rageurs ne trouvent plus leur référence. Les styles vestimentaires sont les plus manifestes, et les soi-disant amis finissent par retourner leur veste. Les plus jaloux veulent mener un combat, mais sache que la roue tourne comme le bois d'un compas. Nous MC, paraît que nos mots sont trop vulgaires, on retranscrit chaque jour les passages de la vie qu'on mène. Les lendemains sont des jours toujours pareils, on s'imprègne de la routine dans nos charmantes vies de merde. Et c'est la même pour tous mes proches et mes potos. Nos blessures sont cachées quand tu regardes sur les photos.